On vit un canon pressé sur la tempe. Dis-moi si je me trompe. Je suis pas d'humeur à faire la fête quand d'autres têtes tombent. Dans tous les sens du terme, humaine est la bombe. Stoppé par les ondes, le rap est resté dans les hauts. J'rappe pour nos frères coincés sur le terre-terre, qui malgré leur volonté mènent une vie de galère. J'rappe pour nos sœurs qui consolent nos mères en pleurs. Mon rap ne connaît pas la peur, on est venu représenter. J'rappe pour nos valeurs, mon rap n'a ni saveur, ni odeur, ni couleur. Je n'ai pas l'âme d'un sauveur, mais le cœur d'un guerrier, combattant faux rêveur. Justin, on est venu représenter. On mène tous le même combat, mais on s'affronte comme des tocards, adeptes de full contact ou en mode peura. J'rappe avec la Jura pour ses talents gâchés. Au bitume encore attaché, mon rap est en danger. DR, c'est la guerre, on vient changer la donne. Sortez, sortez les bécanes, c'est il est illégal. Marocain au Sénégal, enfant des quartiers sales, n'oublie jamais d'où tu viens. Prends soin des tiens avant de t'occuper des miens. On a le seum dans le sang et la tête dans le son. La merde, on la connaît, toujours la même chanson. Faut qu'on arrête de se plaindre comme des petits garçons. Chez nous, on n'aime pas les bouquilles, de la mort aura dans ton cou. Ça s'embrouille pour des broutilles, ça se tape même avec des outils. Tu te fais shooter par des rookies, mon rap fait fuir les groupies. Justin, on reste groupé de la haine dans mes couplets. J'rappe pour nos frères coincés sur le terre-terre, qui malgré leur volonté mènent une vie de galère. J'rappe pour nos sœurs qui consolent nos mères en pleurs. Mon rap ne connaît pas la peur, on est venu représenter. J'rappe pour nos valeurs, mon rap n'a ni saveur, ni odeur, ni couleur. Je n'ai pas l'âme d'un sauveur, mais le cœur d'un guerrier, combattant faux rêveur. Justin, on est venu représenter. Présenté.